Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Announcing AMPERS.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs qu'elle était à 20 ans, je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans. Et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert sous le joug d'un amant. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd. Je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en gris blanc. Pour les yeux de celui qui caressait son corps, qu'il aimait à présent. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Si je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans. That was Michel Sardou with two great numbers. The first one, Maladie d'amour, with sickness of love. Didn't we used to teach that to our students? It seems to me I used to play that. Henri Salvador had one called Maladie d'amour. That's maybe another one. But this is a different, sickness of love. But I especially like the second one that he sang, a very lovely song, Une fille aux yeux clairs, a girl with light-colored eyes. And who is this girl? I can't answer. Somebody's calling right now, but we'll answer when the music goes on. Oh, somebody's calling? Somebody's trying to call, yeah. We'll answer as soon as when music is on. But the girl with the light eyes was his mother. And he could never imagine that his mother, whose hair now is white and gray, was once a beautiful blonde. 20 years old. When she was 20. He cannot imagine her. Well, we better not translate that, huh? Well, having a child and could not imagine her making love. Well, I think everyone thinks that about your parents. But he must have seen a picture. The girl with the light-colored eyes. That's right. It's hard to think of our parents. In that sense, Oh, he's great, Michel Sardou. Alors, on continue? Oui, on continue. Alors, wait 1 minute. We'll take your call. Mm-hmm. OK. Tu continues, Louise. Now we're going to hear... nous allons écouter Edith Piaf dans La vie en rose, bien sûr, et Hymne à l'amour. Mais maintenant, c'est très spécial. Ces deux chansons sont dédiées à nos amis Nancy et Roy

voit la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Alors je sens dans moi mon cœur qui Well, that was two by Edith Piaf, very beautiful numbers, dedicated to our friends Nancy and Roy, who are celebrating their 60th wedding anniversary. Can you imagine that? That is not too many people arrive at that number. And they're such a nice couple. Nice couple. Oh, they're the most wonderful couple. And here's what the first one was the Hymn to Love, which is very... very touching. A little bit about it. What does it say? That problems don't matter. I'd do anything if you'd ask me for it. Whatever comes in life, it won't matter. We will have each other for eternity. My love will love one another. Uh-huh. And then La Vie en Rose, she wrote both of these, at least the words. I'm not sure about the music. I think the music was by her favorite composer, Marguerite. What was her name? Maybe it says here in the jacket. Oh, shit, j'ai oublié. La Vie en Rose, Life in Pink. In rosy colors? No, La Vie en Rose was written with Louis Guy. Oh. And oh, Hymn to Love was Marguerite Monod. That's her name. And Edith Piaf. Yeah. Mm-hmm. Yes. Marguerite Monod was a favorite of hers. Yeah. What does it mean? Well, when he takes me in his arms, he says, words of love, I see my life in rose color. Can you beat that? He's entered into my heart. He's for me and I'm for him in life. Mm-hmm. He told me so. Oh. It's for life. As soon as I see him, I feel my heart beating. Oh, boy. That is her trade song, huh? I mean, when you think of Edith Piaf, you think of La Vie en Rose. Everybody knows that. Exactly. Happy anniversary again, Nancy and Roy. Happy anniversary, many more. It's at least 60 more, maybe. Can they have 60 more? Oh, dear. They'd make a cute old couple in 60 years. Not old, that's no, for sure. Not. But in 60 years, 60 more years, you know, that would be something, wouldn't it? Oui. Bon, alors, continuons alors, avec la musique. Oh, maintenant, oui. Nous continuons avec Fréhel. Alors, Fréhel, elle, c'est une chanteuse des années, quoi, 30, à peu près? Ou même avant. Bon, mais oui, 20, dans les années 20, 30. Et nous allons entendre... Ces chansons sont amusantes, d'ailleurs. Hein. La oui. première, ça va être « Où sont mes amants ?» That's pretty bit. And then the funny one is « Tel qu'il est ». And, oui, en français. Ah oui, la deuxième, c'est Tel qu'il est. Et Caril, tu traduiras ça après en anglais. Oui, d'accord. Parce que ça, c'est drôle, hein, c'est rigolo, oui, Tel qu'il est. Et après, la Java bleue, alors ça, c'est une Java, c'est-à-dire une danse d'un genre de valse bleue. Trois chansons de Fréhel. Hein. Elle était bien, mais elle a fini ses jours très pauvre et malheureuse, hein, je crois. Ah. Je ne savais pas. Oui, je crois qu'elle a mal fini. Elle était de, je crois qu'elle était de Bretagne. Et c'est pour ça qu'elle a choisi le nom Fréhel. Ah, c'est breton, ça? Oui, oui. C'est le, je ne sais pas si c'est, je ne me rappelle plus si c'est une ville ou quoi, Fréhel. Enfin, oui, elle est, c'était une bretonne et elle s'est fait une belle carrière à Paris et elle était très, très populaire du temps de mes parents. Hein, moi. Bon, alors, peut-être même avant les années 30. Peut-être hein. même, oui, oui, avant, oui. Oui. Donc, il y en a trois. Où sont mes amants, Tel qu'il est, et la Java bleue. Voilà. Three for the price of one you get. Alors, hein, pas mal, hein? And if the caller wants to call us, call now when the music's on. Mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? C'est la nuit qui revient, je reste seule, isolée, sans soutien, sans nul entrave, mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd, moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs, et cela me fait souffrir, où sont tous mes amants? Qui m'aimait tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? S'achève et quand vient le matin, la rose pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé, dans le jour blême sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux, tous ces pantins que je vois, ce sont eux. Luttant quand même, suprême effort, je crois les étreindre encore. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Amants, tous ceux qui m'aimaient tant, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants?

chagrin pour la danse, les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand deux cœurs se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. The University of Minnesota Broadband Access Project, or BAP, computer centers offer free computer training. Beginners can learn computer basics, as well as how to access the internet for job search, medical records, and everyday needs. Plus, use email and social media, build websites, and create documents. If you already have computer experience, BAP offers the equipment and free access, with no time limit. More information available at 612-625-BAP1 or bap.umn.edu/centers. The Broadband Access Project is a collaboration between the University of Minnesota, Minnesota Multicultural Media Consortium, and 11 community partners to bridge the digital divide in underserved urban communities. Based in the U's Urban Research and Outreach Engagement Center, the BAP operates 12 computer centers in federally designated poverty zones across the Twin Cities. The BAP is funded in part by the U.S. Department of Commerce through the Broadband Technology Opportunities Program. KFAI is starting a vehicle donation program. Several of you thoughtful listeners have asked about donating your car, boat, or motorcycle to benefit KFAI, and now you can. Donating your old vehicle to community radio means a tax deduction for you, and we use the proceeds to support the programs you love. To donate your vehicle, go to kfai.org or call 855-277-2346 for all the details. Programming on KFAI is brought to you by Southside Pride, a monthly newspaper locally owned and operated in South Minneapolis. Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods and more. More information is available at southsidepride.com. Well, that was Friel. She went by just that one name, Friel. She was a singer of perhaps the 20s and 30s by listening to her voice. The numbers she sang for you tonight, three of them. And the first one, Où sont mes amants? Where are all my lovers? What a sad, sad song, Louise. And she said, my heart is still young. How come they're all gone? I'm looking for other dates. Oh, she says, where are all my lovers? Hey, did you notice? All those who loved me so in the past when I was beautiful. And now? Farewell, unfaithful ones. My heart is old. And then did next you notice one? How she sings, rolling her R's? That was the old style. That was the style. Even yes, Edith Piaf sings like that with rolling her R's. So that was the style at the time. If you're a French student, don't do that unless you're trying to and copy. And in speech, they did not roll they their R's. They did not roll their R's. It was in just speech, in singing that was the style at the time. Funny, huh? Well, the next one was certainly funny by Friel. Tel qu'il est, just as he is. And she's talking about her boyfriend. And she says, it's the funniest. Just the way he is. He pleases me. He's a real, what's a gringolet, Louise? Gringolet means crony. He's real scrawny. He's real scrawny. So then when he's undressed, there's only half of him. And it says, she sings, he's absolutely nothing on the part of the cerebral side. Well, the cerebral side is kind of askew. Yeah. Bancal, you know, when bancal, a chair it balances. Is not quite right and you, you know, one off leg balance. Of a chair is too short, that's bancal. So I would translate as askew. He's kind of askew kind on of the askew, cerebral side. But it's all the same to me, she says. He has an abnormal air or appearance. No hair on the no head, hair. But lots of hair on his legs. Legs, but he's not much to look at, but she loves him. So all what can you say? I mean, when a woman's in love, she's in love. That's all there is to it. Love is blind. It's the funniest song. I laugh every time. I know. And the last one was, it's the Blue Java, the most beautiful Java, and you dance eyes in staring into your partner's And blue eyes. Doesn't mean blue like in English. No. It means it's just pretty. Blue means it's nice, you know. And a Java is a kind of waltz. Did you ever Java? Not really. No, is that the one where you turn waltzing, round and round and round? A Java is a little... Twirl around Yeah, it's very fast. Mm-hmm. Yeah, it's also like the... What's the other one that's the French... I can't think of the other one that's... Well, you know what I mean. Uh-huh. A real fast waltz, yeah. Bon, on continue. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota. Ah, oui, You're oui. listening to Bonjour Minnesota. Oui. And we're going to go on with our music. Okay, French alors. Music from many countries. Mm-hmm. Maintenant, on va écouter Charles Aznavour. Hein? Charles Aznavour. Deux chansons de Charles Aznavour. Il est et il chante encore. Non, il est à la retraite maintenant. Oh oui, maintenant. Non, il chante toujours. Oh là là, il a plus de 80 ans, ma parole. Mais, oui, mais oh, chaque donc. Fois que c'est sa dernier tour, non, il dit que c'est pas vrai. Il chante encore. Il a une femme qui est très jeune. Ah bon, et des jeunes enfants, pas. Alors je crois que ça le maintient en bonne forme, je crois, oui. Ça, c'est bon, tu sais, ça vous maintient et en bonne bon, forme. Il a acheté pas mal de chansons, même de Michael Jackson, j'ai lu quelque part. Ah oui, part. Tiens. Donc, il est très riche. Oh, mais oui, enfin, oui, oh là, il est et riche. Et je crois qu'il a plusieurs compagnies de disques. Oui, c'est Edith Piaf qui l'a lancé, hein. Oui. Mais il a toujours dit que... Enfin, peut-être, je ne sais pas si je dois dire ça dans la radio, qu'elle ne s'intéressait pas à lui du côté, tu vois ce que physique, je veux dire? Physique, quoi. Physique, oui. Mm. Et il n'était pas son genre, Edith Piaf. Oui. Mais elle le trouvait bien, elle admirait son talent et elle l'a lancé. Elle était gentille, Edith Piaf. Elle a lancé pas mal de gens, de oui. chanteurs. Hein. Mm-hmm. Elle appréciait les autres artistes. Oui, alors il va chanter « Je t'aime » et après il va chanter « Inoubliable ». Donc, voyons. Où est-ce que c'est ? Donc, c'est quoi ? Je est-ce t'aime. Que tu peux annoncer encore, Louise ? Charles Aznavour dans « Je t'aime ». Et la deuxième chanson sera Inoubliable. Merci. Je t'écris, c'est plus romantique comme un amant du temps jadis. Sur un papier couleur de lys à l'encre bleue, je m'applique. Quand ma plume manque de chance, fait en sortant de l'encrier une tache sur le papier que je déchire et recommence. Je t'aime, A-I-M-E, t'aimes le cœur en feu, faut-il un X à feu? Ça me pose un problème, allez, je barre feu, mais je garde le t'aime. Oh, je t'aime, A-I-M-E. Simplement, j'y ajoute ces mots à la folie. Mais soudain, j'ai un doute. Folie avec un L, un seul L ou bien deux. Deux L seraient mieux, tellement plus jolies. Et bien sûr plus vivant comme une envie que le bonheur agrafe comme un papillon bleu au cœur d'un amoureux inquiet de l'orthographe. À l'école j'étais le cancre dont on ne pouvait rien tirer, guettant l'heure de la récré, l'œil fixe et les doigts tachés d'encre. Aujourd'hui je me désespère, j'ai des lacunes et je le sais, mes amoureux, il me vient des velléités épistolaires. t'aime, A-I-M-E. Et je n'ai foi qu'en toi. Comment t'écrire foi? Privé d'un dictionnaire, il y a tant de foi dans le vocabulaire. Oh, je peine et je m'en veux. Alors je place un S, mieux vaut peut-être un E. Franchement, ça me stresse et mon foie fait des nœuds. Des heures d'affilée, penché sur le papier, je corrige et rature, puis j'envoie tout valser, maudissant l'écriture, écœuré, j'abandonne au diable mon stylo, je dirai tous ces mots tranquilles au téléphone. Je prends le combiné, compose un numéro, je n'ai plus de problème, allô amour, allô, oui oui, oui c'est encore moi, pour la énième fois, qui t'appelle tu vois, pour te dire je t'aime. Créature de Dieu, follement femme, ô flamme, l'amour pour toi n'est qu'un jeu. Inoubliable comme le sable, tu files entre les doigts. J'ai beau me dire que t'aimer c'est du délire, oui mais ma vie c'est toi. On s'est aimé, engagé, enchaîné, désiré, déchiré, comme des amants terribles et enragés. Mais hormis la mort, rien ne peut nous briser. Unis éternellement dans un pacte plus fort que le sang. Inoubliable, indispensable, lumière de mon cœur. Tu me fascines, nuit et jour tu illumines. Assoiffé de bonheur. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, belle et fantasque, toi fille d'Ève, que je te rêve au lit de mes passions. two beautiful ones by Charles Aznavour. Charles Aznavour, who is over 80 now, is still not retired. He keeps having his last tour, and then he says, oh, no, no. That was the last tour. Yeah. My publicity agent. He's really good, though. Huh? Are these songs, I never heard them before. Are they new or are they old? Do you know? Does it say on the album what year they're from? They're beautiful, huh? Yeah. I don't know. Inoubliable, the second one, was most famous. The first one was Never heard. Je t'aime, I love you, A-I-M-E, A-E-M-E, and he spells it out for you in case you didn't know what je t'aime means. I mean, everybody knows what je t'aime means, even if you don't know French. But he wants to be sure he's understood, so he spells it A-E-M-E, as if when you said, I love you, you'd spell it L-O-V-E. That's what he's trying to do. Well, and what the second one, well, that first one was written by Aznavour all by himself. Uh-huh. He has written thousands of songs. Yeah, very prolific writer. Yeah, alone and with others. The next one was called Inoubliable, Unforgettable. Oublier, to forget. Inoubliable, Unforgettable. That was a beautiful song and quite famous for him. Mm-hmm. I thought he wrote that with Pierre Delanoë. Ah, yeah, that was a good one. Well-known composer. At first, when I saw that, I thought Unforgettable. I thought maybe it was Nat King Cole's song, but no. Oh, no? It's his own. Charles Aznavour's own. Très bien, hein? Bon. On continue? Je ne t'entends pas. Ton micro, tu m'as... Pourtant, tu es mal branché, toi. J'espère. J'espère que les auditeurs nous entendent. Oui, d'accord. Ils m'entendent, tu crois, les gens? Je crois. Oh, oh. Ah, t'es débranché. Non, je suis branchée. Attends, je vais me brancher. Ben, commençons avec le prochain. Je crois qu'il y a au moins la musique. Je suis branchée au micro 2, alors tu m'entends? Oui, oui, oui. Tu m'entends mieux, là, maintenant? Non? Mais continuez quand même, parce que tu es le public, les auditeurs t'entendent. T'es sûr? Oui. Bon. I think if you're not hearing Louise, give us a call here. Our number... In the studio is 612-341-0980. Can you imagine what you'd miss if you didn't hear me? Well, we definitely. Oh, mon Dieu. Oh là là. Ah, alors, qu'est-ce qu'on joue? Ah, Charles Trenet. You should hear me now. I don't know. I sound funny in my own ears. What? Je crois. Oh, please let us know if you don't hear me. It would be so awful. Oh, what's wrong here? Well, peut-être j'annonce, hein? J'annonce pour toi? Non, non, je vais essayer, puis tu peux répéter si tu veux. Alors, Charles Trenet, dans Boum! Je crois que c'était sa première chanson. Je me rappelle quand j'ai... Alors, Charles Trenet, avec Boum! Et après, tu veux répéter avec Morane? Oui. Plus tard, elle a répété... Morane, qui chante Boum. Boum aussi. D'accord. Alors, faites-moi savoir si vous m'avez entendu. Hein. Je crois que je vais corriger cela, minute. Bon, d'accord. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mec. La vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage.

Don't get ahead of us here, Morane. You heard there, Morane. She's Belgian, but she's quite popular. And that was a live concert at Olympia Hall. First of all, you heard Charles Trenet sing Boom. And he wrote the song. You say it's one of his first songs? It could be his very first one. As I remember when I was a young girl and we were all crazy about him. And I'm almost certain that was the first one. And we used to sing it along with him. And, oh, boy, that's just a cute, silly song, you know. Mm-hmm. Boom, boom, boom. You know. Even the good Lord making his boom on his armchair of clouds. I mean, well, and so Morane did an she just goes by the one name, Morane. She did an updated version of Boom, and it still sounds great. Yeah, I think it's good, too. Charles Trenet wrote so many. He was one of the most prolific songwriters ever, wasn't he? He was a real poet. What a talent. Some were silly, like Boom is silly, but others were very... He was quite a poet, yeah. So it's time to tell you, you're listening to Fresh Air Community Radio. KFAI, 90.3 FM Minneapolis, and 106.7 FM Saint Paul, Radio Without Boundaries. Et en français? Tu veux que je te répète? Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota. Ah non, d'abord c'est Fresh Air Radio. La voix communautaire pour... Ah oui, Fresh Air Radio. La voix communautaire, non? Pour les informations et les arts. Dans les villes jumelles, KFAI 90.3 FM pour Minneapolis et 106.37 FM pour Saint-Paul, la radio sans frontières. It is 9 p.m. Eastern Daylight Time. In Paris, it would be 4 in the morning. Hein? Oh, 4 in the morning, my... 9 et 7, 16. 16 heures, c'est 4 heures du matin. Oh, 7 hours difference. Yeah, oui. And here in Minneapolis, St. Paul, it's a beautiful evening. Very pleasant, but I hear we're in for the heat tomorrow. Oh, là là. Oh, well. It's going to be extremely warm, up to 93. We can't do anything about the weather. Word. Oh, dear. Thank goodness for air conditioning. One of the greatest inventions. In France, on dit la clim. Short for la climatisation. Yes, they do their shortening for a lot of things. Oh, la clim, la sécu, instead of sécurité sociale. C'est la sécu. Petit déj. Oh oui, ça c'est à l'Alliance française, ils disent ça. Oh non, ça se dit. En France aussi, le petit déj. Oui, j'ai entendu ça. Bon. Oh, moi je veux bien. Et surtout la clim. La clim, oui. Oh, well. Et il y en a moins. There's less in France, right? Oh, yeah. They suffer in the summer and they think that, oh, well, we don't have that much canicule, they call it. Like canicule, when it's very, very, very hot. Has it been very warm in Paris? Sometimes when it is, you know. In 2003, it was horrible. People died. Mm-hmm. Yes, had a but then they heat. Still don't think they should air condition the homes. They don't think it's necessary. Oh, they drive me nuts sometimes already. They just don't want to change, you know. Well, we didn't for many years. I never had la clim in my home. I'm glad I have it, I tell you. I bless the inventors of such wonderful comforts. Ben, on va écouter encore Morane. Elle va chanter Ami ou ennemi. Ami ou ennemi, vous pouvez comprendre, hein? C'est tout. Après, on ira... Tu vas annoncer les annonces après Morane. Oui. Bon, d'accord. D'accord. OK. Comme une sentinelle dans la nuit, je suis debout, je vis ma vie et je crie, qui va là, ami ou ennemi? Je marche au hasard dans la ville et d'orage, en file de taxi, je passe à l'orange, je crie, ami ou ennemi? À ceux qui vous disent, you and me, qui vous passent sur le corps et puis vous laissent de jolies cicatrices. les amis, les ennemis. Comme une sentinelle dans la nuit, je suis debout, je vis ma vie et je crie, qui va là, ami ou ennemi? Je chante pour passer mes envies, je change d'avis, ça change la vie quand ils sont seuls. Je change d'amis ou d'ennemis. Ceux qui m'ont aimé en sourdine, ceux qui m'ont tué d'un sourire, car parfois, parfois c'est bien pire un ami qu'un ennemi. Comme une sentinelle dans la nuit, je suis debout, je vis ma vie et je crie, qui va là, ami ou ennemi? Voisins, voisines, les bonnes copines reviennent pour souffler les bougies, au loin famine, conseil d'amis ou d'ennemis. Avec le vent, les allergies s'envolent, pourquoi revoir le film? Tais-toi, c'était un muet, ami. Mon ami, mon ami, mon ami. Well, that was Morane saying friend or enemy, ami ou ennemi. You're listening to Bonjour Minnesota with moi, je suis Caril, Louise, et bon, bonjour Minnesota, we bring you music from France and French-speaking countries, a mixture of old and new. If you'd like to give us a call while the music is on, our number in the studio is 612-341-0980. Our voicemail, that's 612-341-3144, extension 831. If you don't have time to listen to our program or any others, they're kept in the archives for a couple of weeks. So go on online on your computer to www.kfai.org and check into archives. Today is June 26th, and you would put Bonjour Minnesota for June 26th. It'd be better if they called us now when we're live. On the, to the computer, they cannot call us. Oh, they can't call us with the computer, but maybe they will have to miss a show. You know, somebody call us. Oh, we'd love to hear from you. It's good for us, for our little ego. Makes us feel good when we get a call. Then we think we're important. We're happy you're out there. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter Alors, maintenant? On continue. Ah, Jean Sablon. The crooner. Oh, j'aimais Jean Sablon quand on était jeune, oui. Alors, il va chanter Pigalle. Pigalle, oh là là. Et puis après, nous allons entendre Patachou va répéter. Tu veux jouer les deux? Oui, les deux. Tout de suite, après l'autre. Vous pourrez comparer le style de Jean Sablon avec celui de Patachou. Pigalle, c'est une partie de Paris, un quartier de Paris au nord, oui. Maintenant, il paraît que c'est très propre. Il paraît. Je ne sais pas, moi. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Mais les GIs, au moment de la libération, ils disaient Pigalle. Oui. And it was not just a play on words. Anyway. Bon, ça ne fait rien. Alors, Pigalle. Et après? Ah, tu continues? Tu veux que je continue avec Patachou? Encore de Patachou. Sous les ponts de Paris. Alors ça, c'est une vieille chanson. Oui. Et Patachou, c'est avec un LP, alors. Ah oui, c'est Il y aura un peu des craquements, mais... Mm-hmm. Il n'y a pas d'autres stations de radio, je crois, qui jouent encore des LPs, hein? Il y a des gens qui préfèrent les LP, les Vraiment? LP pour le son. Vraiment? On dit que c'est plus chaud, comme... Ah bon? Oui. Tiens. Ah. Ben, voilà, Jean Sablon. Et après Pigalle. Un petit jet d'eau, une station de métro, entouré de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour Ruffin, Pigalle. Là, c'est le chanteur des faubourgs qui fredonne un succès du jour. Ici, l'athlète en maillot qui soulève des poids de 100 kilos. Hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. C'est une rue, c'est une place, c'est même tout un quartier. On en parle, on y passe, on y vient du monde entier, perché au flanc de Paname. De loin, elle vous sourit, car elle reflète l'âme, la gaieté et l'esprit de Paris. Girls et mannequins, gitanes aux yeux malins qui lisent dans les mains, Pigalle. Clochard, camelot, tenancier de bistrot et marchand de photos, Pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant « Tu viens, chérie ». Et Prosper qui, dans son coin, discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jet d'eau, une station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde, il n'y a qu'un seul, Pigalle. Un petit problème, mais vous avez, first, a little technical problem. Here, we'll fix that up in a minute and get that going. That was Jean Sablon with Pigalle. The you know, the second one you're playing there, trying is an LP, and not, you know, not many radio stations nowadays use LPs, so you forgive us if we have a little difficulté, huh? It's not going. Ah. Uh-huh. No, some doesn't. Well, in the meantime, let's put on another one. Would you like to hear some announcements, Louise? Ah, bah oui, les, sous les ponts de Paris, on jouera ça après. Après. Oh, okay. In les annonces, the announcements. Okay. Well, here we are coming up to the Alliance Française annual campaign. They are asking for your contributions as they wound up short of their goal. Great organization, very active, and it's tax deductible. They're generally, you can contribute online at afmsp.org or simply send your contribution by mail to the Alliance Française Alliance annual campaign. 113 North 1st Street, Minneapolis, 55401. They're starting classes, too. 5-week classes will be coming up. When's the last time you had your French class? How about a refresher so you can move on to the next level? A 5-week review class, there's something for everybody, beginners, intermediate, and advanced. You can look online at AF, Alliance Française afmsp.org, or simply call them if you don't have it online. Let's see. That's 612-332-0436. The Jeune Cadre Dynamique professionals, young professionals, are having a get-together Thursday, June 28th, 6:30 to 8. Come and meet author Scott McDonald, who will be presenting his essay Hope at High Noon. Scott was born and raised in northern Minnesota and spent nearly 10 years in Paris, studied at a French university, and in high school was a high school exchange student in Belgium. He will share his experience of living in France and his transition back to the U.S. You can go online and read his essay at the Alliance Française online site. That's afmsp.org, and they'll have that. The meeting is free and open to the public, and that's June 28th, Thursday, 6:30 to 8. Oh, the big thing is Bastille Day coming up Saturday, July 14th from 4 to 10. And this year it's at the Sofitel. And it's Hotel on a Sofitel. Saturday, that makes it easier, huh? Yes, it is. The Sofitel is easy to find. It's right off 494 and Highway 100. I know you would simply take 494 from wherever and go to Highway 100 and exit going and go north and take 77th Street and follow the directions around. You can see it from there. Mm-hmm. It's going to be lots of fun, multiple food options. They call it a mini vacation with activities for everyone. And I know they're having the annual baguette conquête test where again? You taste for the best baguette. Last year it was Chez Arnaud, the new young French baker in town that won the best baguette of the Twin Cities. Lots of good films, right? Monsieur Lazare. Is that still showing? It's at the St. Anthony Main. It says it ends the 21st. It's all done. Well, it might be playing at some of the other second. I didn't see it. I didn't either, and I hear it's excellent. I saw the movie, but I didn't see it on the calendar in the paper. So. Les Intouchables, The Intouchables. It's an inspiring story of two men who should never have met. Wonderful movie. Oh, I want to see it over and over again. You saw it already and you want to see it again. Oh, and I want to see it. I could see it over and over again. It's now playing at the Lagoon. I don't know until how long. Well, some information said it was going to go off on Friday. They always change films on Friday. But the Lagoon site that I checked said it was going to be playing next week, so I don't know. Oh, yeah, I hope it stays. I do, too. It's a marvelous movie. It's just wonderful. It's funny, very funny, and at the same time very, very touching on a very human level. You know, it's a true story, by the way. Really? So, yeah, it's a wonderful. Oh. Another one is called Elle, a provocative film starring Juliette Binoche, Academy Award winner, as Anne, a well-off journalist, Parisian journalist, who is investigating the lives of two student prostitutes for a magazine article. Opens June 22nd at the Lagoon for 1 week only. So it's playing this week and will go off when they change films on Friday. Belle Amie is a historical drama. It's in English. It's based on the 1885 novel of the same name by Guy de Maupassant. It opens, this past Friday, and is at the Lagoon. That's at the Lagoon, too. Everything's at the Lagoon, huh? Lately, it is. Are there any more movies? No, but some other things. Well, the movies I would like to mention that I saw in the paper that now The Afternoons with Marguerite is on DVD. Oh, good. And that was we saw it. Do you nice remember film. We saw it together? Yes, we did. It's so wonderful. And in French, it's La Tête en Friche. And that's on DVD. And l'artiste, the artist, is on DVD now. So people want to have it for their own collection. I would myself. Yes. Because the artist, that's something. It was wonderful, but that was the Academy Award. Yeah. So now they're on DVD. Mm-hmm. I read that in the paper, so. Check out a Woman's Paris blog to read an interview with director and choreographer Johan Anselm. He's here in the Twin Cities for, I think, teaching a short time. Well, tonight, if you want to still run out, Les Nubiens are in concert at the Dakota. We've played them often on the radio at 7 p.m. and probably still on. They're a unique blend of soul, R&B, and hip-hop. Huh. If you're still interested. And finally, the Chêne des Rôtisseurs is having an exceptional opening up to non-members on Saturday, June 30th, New Ulm. Oh. A five-course dinner prepared by Chef Paul Lynch and his team with three different live fires will be paired with a tour and beer tasting of the Shell Brewery the following morning. I thought New Ulm was more German. It's a German town, isn't it? Well, it is. Mm-hmm. But, I mean, having the French make a meal there, too? Well, they're having a gourmet meal. And finally, an announcement from Mark Stillman and Tim O'Keefe. Ah. We'll be playing Thursday from 7:30 p.m. till 9:30. It's their International Thursday Night Show, a weekly event at the original Loring Bar for over 10 years from the 90s to the mid-2000s. Wildly popular and always a circus, Mark and Tim will revisit old hits from French Musette, Brazilian Forró, Macedonian Les Notos to Bulgarian Kopanitsas, and all points there. Dance like it was 1999. Only that's in Minnesota can you get such. That's good at the Black Dog Cafe and Wine Bar. That's on the corner of 4th and Broadway in Lower Town, St. Paul. Oh, it's in St. Paul. Yes, it is. Black Dog Cafe, Thursday. This Thursday? This coming Thursday, 7:30 to 9:30. Corner of 4th and Broadway in Lower Town in St. Paul. I'll give you the number, but I don't know. 651-228-9274. But the other one, what does he play? Or does he sing or what? You know? One time. Mark is the accordion. I don't know what Tim plays. Oh, it doesn't say. Oh, no. Mark Stillman is accordionist. Oh, he's a wonderful accordionist. Oh, terrific. Well, let's see. On va continuer avec une autre chanson. Sous les ponts de Paris. D'abord Francis Cabrel. Ah, parce que sous les ponts de Paris, c'était. Je dois travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce que Francis Cabrel. Cabrel. Le monde est sourd et ensuite presque rien. C'est ça. L'enfant pour 5 francs la semaine vient broder des survettes pour l'homme blanc qui golfe en voiturette, saltant sur la planète. Oh, le drôle de temps. Porter secours, c'est défendu. Le monde autour est sourd, bien entendu. Chercheur contre nature, truqueur sur l'honneur et qui jure. Faut pas que ça vous inquiète. J'ai bien connu l'animal mort dans votre assiette. Saltant sur la planète. Oh, le drôle de temps. Porter secours, c'est défendu. Le monde autour est sourd. bien entendu. Tricheur à la tribune, menteur amassant la fortune, grimpeur dans la tempête, rien que des doses d'eau claire au fond de la musette, sale gant sur la planète. Sourd, bien entendu. Cendrillon tombé d'un coin du Sahel, perdu sur un bout de papier, me lance un appel. Et dessus, elle dit c'est où exactement? C'est où exactement la tour de Babel? Monsieur sort de l'église, heureux que les hommes fraternisent. Son fils qui lui fait la tête, et lui qui court acheter le fusil et les fléchettes. Saltant sur la planète, oh le troll, le drôle de temps. Porter secours, c'est défendu. Le monde autour est sourd, bien entendu. Pendant qu'on se promène, l'enfant pour 5 francs la semaine. Chercheur contre nature, bien caché derrière sa devanture. À la tribune, et nous tous les applaudir comme la lune, comme la lune. Je sais faire du vent dans des coffres en bambou, des pans de ciel pour mettre à tes paupières et d'autres pour pendre à ton cou. C'est rien que du ciel ordinaire, du bleu comme on en voit partout, mais j'y ai mis tout mon savoir-faire et toute notre histoire en dessous. Tu vois, c'est presque rien, c'est tellement peu, c'est comme du verre, c'est à peine mieux. Tu vois, c'est presque rien. C'est comme un rêve, comme un jeu, des pensées prises dans des perles d'eau. Je t'envoie des journées entières des chats posés sur les genoux, des murs couverts de fleurs que tu préfères, et de la lumière surtout. Rien que des musiques légères, une source entre deux cailloux, du linge blanc sur tes années de guerre, c'est tout ce que je sais faire, c'est tout. Tu vois, c'est presque rien, c'est tellement peu, c'est comme du verre, c'est à peine mieux. Tu vois, c'est presque rien. C'est comme un rêve, comme un jeu, des pensées prises dans des perles d'eau. Well, those were two by Francis Cabrel, a modern. I don't know, it's lighting up here, Louise. Mm-hmm. Say something. Bon, tu m'entends? No, not at all. My microphone is dead. Well, we'll punt here. That's all right. Those were by Francis Cabrel. The first one, Le Monde est Sourd, where the world is deaf. And this was about injustice in the world, talking about a child who works for only 5 francs on the week just to embroider clothing for a white man who golfs in a little car. Francis Cabrel often does protest or that type of songs. The second number was called, let's see, that was... Almost Nothing? Mm-hmm. Mm-hmm. And that was kind of a sad little love song, Almost Nothing I'm Giving You. Here's all I know about wind in the bamboo, two pieces of fabric, which is the earth or the sky, to put and over your on your eyelids, and others to hang around your neck. So it's a guy who doesn't have any money, and he's giving her romantic gifts. Mm-hmm. Francis Cabrel is. So my microphone is not on? No, it is not working. Let's see. It must be the same problem as before. Oh. So we'll play the next one, and I'll fix that up. Et okay. Ça va être maintenant les disques. Do I announce anyway? Or do they hear I can me? Hear you now. Oh, okay, but my microphone is not in light. It's not lit, but I can hear you. Oh, alors, c'est Vox Angeli. Je n'aurai pas le temps. Non, d'abord, c'est les disques, les LP. Oui. It's been fixed, hein? They fixed ça it. Ça va, oui.

lorsque descend la nuit. Toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette, hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'on sait pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris. Les yeux dans les yeux, faisant des rêves bleus, Julon partage les baisers de Nini sous les ponts de KFAI is starting a vehicle donation program. Several of you thoughtful listeners have asked about donating your car, boat, or motorcycle to benefit KFAI, and now you can. Donating your old vehicle to community radio means a tax deduction for you, and we use the proceeds to support the programs you love. To donate your vehicle, go to KFAI.org or call 855-277-2346 for all the details. Programming is supported by Ampers and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at ampers.org. Ampers features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at ampers.org. Ampers, diverse radio for Minnesota's communities. Please tune in to Fresh Fruit, the longest-running queer radio show in the country, serving the LGBTQ community and friends, bringing you the best in all queer issues. Every Thursday from 7 p.m. to 8 p.m. Right here on KFAI, radio without boundaries. 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul. On the web at www.kfai.org. Well, after a little fooling around with the turntable, we heard two LP versions, music by Patachou, whose name means pastry dough. Yeah. She was a pastry maker on Montmartre, yeah. And she was known, she opened up a nightclub, too. Well, she was popular. Discovered by Maurice Chevalier, no? Oh, I did not know that. I don't know who she was discovered sure. by. But I know yeah, she, dis- she discovered many other but people. She was just, she had her own little shop, little business. And last time I was in Paris, I saw it still there. It's still the nightclub. There, huh? I mm-hmm. don't know about the pastry part of it, but the nightclub, yeah. Patachou. Well, she was good. Yeah. Yes, she was quite a character. I guess she'd go around and cut off the neckties of gentlemen. Yes. Oh, maybe that's why she made it big, huh? You have to have a gimmick. Voilà. Uh-huh. Donc, and then she sang Sous les Ponts de Paris, too. Huh? Sous les Ponts de Paris. That's an old song. A very old one. And a lot of people prefer the LPs because they say the tone that's is warmer. That's funny, huh? And there are those who collect them and hunt them out. Yeah. It's kind of a sad song, you know. It's referring to the homeless people, which we call the clochards then, you know. And I didn't see a one last time I was there. I did. Well, did you I see lived anymore? On the Ile Saint-Louis. I think they chase them we'd away, go, don't they? Oh, now probably. No, but then my, when I was growing up, mm-hmm. we're on the Ile Saint-Louis, and then we'd go to the end of our street, and we'd see the under the bridges. There were mm-hmm. poor old guys there was sleeping under the bridges, yeah. Or sleeping on top of the metro grates because of oh, the warm air. Oh, that too, yeah. But I actually remember when I was a little girl, a young girl, but growing up, I was seeing them, yeah. And now they still have oh, well. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? Maintenant, on va écouter un groupe d'enfants, hein, qui s'appelle enfants, oui? Vox Angeli. Ça veut dire d'ange. Voix d'ange, voice of the angel, oui. Mm-hmm. Ils vont chanter « Je n'aurai pas le temps ». Et ensuite, petit frère. Tout se mélange. two very beautiful songs by the group called Vox Angelae. And that first one was Je n'aurai pas le temps, I won't have the time. And the second one, Petit Frère, Little Brother. What do you think of that group, Louise? Oh, they're lovely. Huh? Lovely they voices, really sound huh? like angels. Huh? It means voice of the angel. Oui. Mm-hmm. And it kind of, yeah, the young boys, when they sing like that, they do sound c'est angelic. C'est des filles et des garçons. Ah, il y a des filles aussi? Oui, des jeunes. Ah, ce sont des jeunes enfants. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est un groupe français? Oui. Ah, mm-hmm. Je ne connais pas. Tu ben, vois? Qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, on va avoir le temps de finir avec... Oui, oui. Frédéric, c'est une américaine hein, qui chante oui, avec... Carole Frédéric, oui, c'est la sœur de celui qui s'appelle Taj Mahal. Ah oui. C'est la sœur, elle est la dame, une dame. Mais elle est toujours en France, non? Elle a fait sa carrière, elle habite en France. Avec Jean-Jacques Goldman mm-hmm. et... Michael Jones. Et c'est 1, 2, 3. On aura le temps de jouer aussi nuit, non? Ben, peut-être. On va voir. Si on a le temps, on va jouer nuit par eux. Sinon, plus tard, la semaine prochaine. OK. Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien. Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio. Ça s'appelait rock and roll. Moi, ça me rendait fort. Moi, j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais que ça sonne. Ça faisait un, deux, trois petits mamans, quatre, cinq, six, Alice. 8, 9, can't get enough. 10, 11, 12, I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6, a kiss. 7, 8, 9, you're on my mind. 10, 11, 12, tell me when. Il paraît qu'il y en aurait qui se donnent pour le pouvoir, pour de l'or. Chacun sa façon de voir des son âme. On n'est pas pour ceux qui s'ignorent. Moi quand j'entends je comprends rien mais que ça sonne. Ça faisait 1, 2, 3 pour du même 4, 5, 6, allez 7, 8, 9, can't get enough 10, 11, 12, I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby. Cheveux longs jusqu'au blouson, mais évidemment.

Здравейте, драги слушатели! Вие сте отново с фолклорното музикално предаване Балканско джамборе на радио Безграници KFAI в Сейнт Пол и Миняполис. Аз съм Николай и както всеки вторник вечер по това време до полунощ ще бъдем заедно и ще слушаме музика от Балканите, която съм подбрал не специално за вас. Hello folks, I'm Nikolai and I am back to the city. Tuesdays and you are tuned to Balkan Jambore World Music Show here on KFAI Fresh Air Community Radio at 90.3 FM Minneapolis and